Chapitre 5e, le serment des deux frères. Depuis le moment où l'on ramena le banquier blessé, la porte de l'hôtel demeura consignée. Pour 4 personnes seulement, la rigoureuse consigne fut levée. Pour Irène de Valtour, fille du comte de Valtour, et Alice de Briailles, fille du marquis de Briailles. Pour le fiancé d'Alice, le capitaine de Casaumont et le comte de Marnay, neveu du marquis. Irène et Alice étaient les amies de pension de Raymonde. Elles s'aimaient beaucoup toutes trois et, depuis leur sortie de couvent, n'avaient cessé d'être en affectueuse relation, s'écrivant aussi souvent que possible, car Irène et Alice n'habitaient pas Paris. Irène et Alice, prévenues par télégramme, arrivèrent à Paris seulement pour apprendre que le banquier, après avoir donné l'espoir d'une guérison prochaine, était mort. Alice de Briailles était en grand deuil. « Personne mieux que moi, dit-elle à Raymonde, ne peut partager ta douleur. Oui, ma chère Alice, tu sais quel déchirement s'opère en nous quand nous perdons ceux que nous chérissons. C'est bien un peu de notre vie qu'ils emportent avec eux, un peu de notre âme, que leur âme nous ravit, les aimer que nous pleurons. » 2 ans auparavant, la mère d'Alice fut emportée en quelques jours par un mal étrange qui effraya tout le monde, devant lequel les sommités médicales demeurèrent désemparées. 1 an après, son frère aîné, vaillant et fort, mourait de la même maladie mystérieuse qui tout récemment lui enlevait sa jeune sœur. Ces deuils successifs, frappant tragiquement la famille de Briailles, causèrent dans la région non seulement une grande douleur, mais aussi une anxiété profonde. Le docteur Robert Montreuil demanda à pratiquer l'autopsie de l'enfant. Alice refusa ce qu'elle prétendait être une profanation. Le comte de Marnay appuya fortement ce refus de sa cousine, mais le docteur, au secret, put emporter les derniers pansements qui avaient touché le corps de la fillette. « Je veux étudier cela au microscope, » dit-il à Raymonde. « Je crois deviner le mal. Mais j'ai besoin d'assurer scientifiquement mon pronostic avant de prononcer le nom de ce mal, tant c'est horrible, car ce nom seul répandrait la terreur. » Aujourd'hui, c'était chez lui que le deuil entrait de façon aussi terrible. Raymonde pleurait à son tour entre Irène et Alice. Alice, à qui, par bribes, par phrases coupées de sanglots, Raymonde avait donné les détails de la mort de son père, demanda à son ami avec anxiété « Est-ce bien le comte Faustin de la Guérinière ? Il n'y en a qu'un. » Mais Raymonde, surprise, questionna à son tour son ami. « Pourquoi me demandes-tu cela, Alice ? Parce que je connais aussi le comte de la Guérinière. Tu le connais, oui. Il est venu plusieurs fois chasser chez nous, en Sologne. C'est un grand ami de mon cousin de Marnay, qui l'a présenté à mon père et l'a fait inviter aux chasses. » À ce moment, Marcelin, le valet de chambre de ses frères, vint demander si mademoiselle pouvait recevoir l'employé de la maison Perkins, de la rue de la Paix, pour les costumes de deuil. « Faites entrer ici, répondit Raymonde, et prévenez ma mère. » Le couturier Perkins, dont la réputation est universelle, avait envoyé son fondé de pouvoir, M. Portet. Il lui avait adjoint une de ses ouvrières, soigneusement choisie et expressément désignée. C'était Henriette Ménardier, que dans la maison ses camarades surnommaient Riri, Riri la Jolie, et qu'en souriant par sympathie, les clientes aussi appelaient Riri. La beauté de Riri causait comme un étonnement délicieux. Elle était telle que ses camarades l'admiraient sans en concevoir de jalousie. Il leur semblait que nul autre que Riri ne pouvait être joli comme Riri. Sa figure offrait une telle perfection de traits qu'elle s'idéalisait. Cependant, elle n'était pas froide, figée ainsi qu'il arrive au trop pur type de beauté. Elle était très expressive et vivante. Une mousse de cheveux d'or lui formait un cadre merveilleux, et les yeux, d'un bleu parfois paraissant profondément violet, jetait un rayonnement exquis sur le rose des joues. L'air était plutôt grave, sérieux, triste souvent quand l'âme se laissait deviner. Mais dès que la bouche s'ouvrait sur des dents perlées, cet adorable visage s'éclairait d'un sourire caressant, prenant. Assez grande, souple, n'ayant rien de la taille factice des mannequins de couturier, la jeune fille qui comptait 20 ans à peine, tout en ayant conservé la joliesse de la fillette, laissait pressentir la femme qu'elle allait devenir. Ses bottines en cuir, un peu gros, ne parvenaient pas à rendre ses pieds plus forts que ceux d'un enfant, et ses mains toutes menues, aux doigts longs, plus satinée que le satin qu'elle froissait, plus soyeuse que la soie, sur le fond sombre des étoffes, ressortait claire, comme transparente, ainsi que dans les tableaux des primitifs, croyants et fidèles, apparaissent les mains fuselées des madones. Riri vivait dans un pauvre logis au fond des Batignolles avec sa vieille mère paralysée, sa sœur aînée, bossue, infirme. Elle les adorait toutes deux, et elle leur apportait par son travail un peu de soulagement, de bien-être, se bornait tout son désir, toute son espérance, toute sa joie. On le savait, et cela contribuait à assurer à Riri la Jolie l'amitié de ses camarades, l'estime de ses chefs, la sympathie des clientes et le respect de chacun. En la désignant donc pour accompagner M. Portet, le grand couturier était certain de son choix. Riri serait bien accueillie. Il pensait aussi que Riri, chez une cliente de l'importance de Mme Montreuil, dans des circonstances aussi douloureuses, montrerait plus de tact, trouverait le mot voulu, et plus doucement, plus sincèrement, tout autrement, mieux enfin que M. Portet, qui allait le faire de la manière officielle, saurait présenter les sentiments de condoléance de la maison. Mme Montreuil était entrée dans le petit salon au bras de son fils. Raoul soutint sa mère jusqu'à une bergère dans laquelle elle prit place. Lui, il se tint ensuite debout derrière cette bergère. Mais en apercevant Riri, il ne put maîtriser un mouvement de surprise. Il tressaillit, devint soudain très pâle. Pendant qu'elle parlait, il l'écoutait avec une poignante émotion, puis quand elle ouvrit devant Raymond ses cartons, ne voulant sans doute pas qu'on s'aperçût de son trouble, prestement il se faufila hors de la pièce. « Elle ? » murmura-t-il. « Riri, elle, ici ?» Au cours de la longue nuit de la veillée funèbre, les deux frères se tinrent dans le salon qui réunissait les deux appartements qu'ils occupaient dans la maison de leur père. Ils y furent rejoints par Paulin Broquet, qu'ils avaient prié de venir les voir aussitôt que possible. « Ne trouvez-vous pas, lui demanda Raoul, l'avocat, que ce soudain revirement de notre père en face du comte de la Guérinière est grandement bizarre ?»« Les blessés ainsi frappés causent parfois des surprises de ce genre, » répondit le détective. « À quoi devons-nous attribuer cette étrange rétractation ?»« Au point de vue judiciaire, nous ne pouvons rien dire. Nous devons nous incliner. » C'est seulement au point de vue scientifique, médical, qu'il est permis de demander au docteur ce qu'il en pense. Le docteur répondit : Nous pourrions, au point de vue médical, trouver une explication plausible. Il se peut que par effet de traumatisme, sous le coup de l'ébranlement cérébral, un homme blessé dans les mêmes conditions que notre père fasse des déclarations sur lesquelles il sera ensuite forcé de revenir. C'est juste. Mais notre père n'a pu être l'objet d'un réflexe de ce genre, d'abord en déclarant avoir reconnu le comte, puis en se rétractant. C'est cependant ce qui s'est produit. Je ne le crois pas. Nous connaissons trop l'esprit positif de notre père, la solidité de son intelligence, la puissance de sa pensée, pour admettre l'ébranlement de son cerveau si merveilleusement organisé. Raoul ajouta : D'ailleurs, depuis l'attentat, il nous a donné suffisamment de preuves que son cerveau était lucide, que son intelligence n'avait subi aucune dépression. Paulin Broquet s'inclina. Il conclut. Donc, nous devons admettre que ce revirement dans la conduite de votre père a pris naissance dans le court entretien qu'il eut avec maître Béjanet et avec maître Grillard. Nous en sommes persuadés. C'est possible, en effet. Dans ce cas, messieurs, cet entretien secret aurait uniquement pour objet le comte de la Guérinière. Oui, et cela confirme absolument notre opinion, qui est que le comte de la Guérinière est le coupable. Oh, croyez-vous vraiment? Mais vous-même, s'écria l'avocat, vous-même, voyons, monsieur Broquet, vous le croyez comme nous, moi? Vous qui demandiez, nous l'avons entendu, s'il fallait, malgré la rétractation de notre père, arrêter quand même le comte de la Guérinière. N'êtes-vous pas certain que c'est lui l'assassin? Ne tenez-vous pas, avouez-le, le comte de la Guérinière pour un audacieux, un habile, un redoutable malfaiteur? Dans les yeux de Paulin Broquet, une flamme passa. Mais il abaissa aussitôt ses paupières et pour réponse, tout bas, il dit vivement à Raoul : Voyez donc qui nous écoute dans la chambre voisine. Raoul se dirigea vers la porte que Paulin Broquet lui désignait, mais le détective l'arrêta. L'indiscret s'en va, regardez par ici. Paulin Broquet indiqua la porte donnant sur le corridor. Raoul l'ouvrit. « C'est moi, monsieur Raoul, » dit aussitôt une voix. « Ah, c'est vous, Marcelin, bien, bien. » Raoul, rassuré, revint vers Paulin Broquet. « Fausse alarme. C'est notre valet de chambre qui fait son service. »« Ah, » fit le détective, « votre valet de chambre. Un brave garçon qui nous est très dévoué. Il y a longtemps qu'il est chez vous ? 6 ou 8 mois. Nous en sommes très contents. Il nous a été envoyé et chaudement recommandé par un de nos amis, le comte de Marnay. » « Le comte de Marnay ?» dit le détective d'un ton singulier. « Alors c'est parfait. » Paulin Broquet savait que le comte de Marnay était l'ami intime du comte de la Guérinière. Toutefois, il ne le dit pas aux deux frères. Mais, laissant ce sujet, il reprit vivement, à voix très basse, « Vous me demandez mon opinion. » « C'est celle que la loi, après les restrictions de notre père, impose à mon chef, au juge d'instruction. Je ne dois pas en avoir une autre, officiellement. » Mais cette opinion pourrait changer. Comment cela ? L'acte que maître Béjanet et maître Grillard ont signifié à votre père contient la vérité sur cet homme. Cet acte seul nous dirait si c'est un criminel et me permettrait enfin de mettre à coup sûr la main au collet du comte de la Guérinière. Vous nous conseillez donc, dit Raoul, d'aller demander à maître Béjanet communication de cette pièce. Il le faut. Bien. Nous irons aussitôt après les obsèques à l'étude de la rue Notre-Dame-des-Victoires. Mais, objecta Robert, si maître Béjanet refuse de nous communiquer cet acte ? Paulin Broquet étendit les bras. Votre cœur, en ce cas, vous dictera votre conduite. Quant à nous, magistrats, nous ne pouvons plus rien. Nous ne pouvons même pas, par la loi, obtenir communication de ce document. Pour reprendre cette affaire, nous devons attendre le fait nouveau. À nous donc de le provoquer ? Déclara Raoul. Paulin Broquet s'inclina. Peu après, il prenait congé des deux frères. Un fait navrant, qui ajoutait à leur douleur, à leur angoisse, devait encore les pousser plus vivement vers ce but. L'enterrement de leur père fut pour eux une source de surprise, d'effarement. Par sa situation financière, ses nombreuses relations mondaines, M. Montreuil prenait place dans ce qu'on appelle le « tout Paris ». Au fait qu'il donnait paraissait tout ce qui compte d'illustre dans la littérature, les arts, la finance, la politique. Cependant, les journaux annonçant la mort de M. Montreuil n'en parlèrent que dans leurs reportages. Ils y ajoutaient, à titre de renseignement, la date et l'heure des obsèques, et ce fut tout. Robert et Raoul, qui parcouraient les journaux, s'attendaient à trouver autre chose, quelques mots de regret, quelques lignes biographiques élogieuses. Ils ne lurent que des phrases polies, aimables, sur leur jeune sœur, sur eux, l'avocat, le médecin, sur leur mère dont on vantait l'esprit, la bonne grâce, mais rien sur leur père, ou très peu. On le désignait par ces mots banals. Le célèbre banquier de la rue Le Pelletier, le financier bien connu, et autres clichés courants, mais nulle manifestation de sympathie, aucun souvenir affable, rien. Pourquoi ? Se demandaient les deux frères, pourquoi ? Robert et Raoul avaient fait envoyer des milliers de lettres de faire-part. Ils comptaient sur une affluence énorme aux obsèques de leur père. Mais quand les deux frères, accompagnés du capitaine de Rennebois, du capitaine de Casaumont, du comte de Marnay, s'apprêtèrent à suivre le corbillard luxueusement empanaché qui emportait les restes de leur père, ils aperçurent certes dans la rue une foule considérable, mais de curieux, de badauds. Ils ne reconnurent presque personne parmi les gens qui allaient former le cortège. Les employés de la banque Montreuil étaient là, les délégués obligatoires des maisons de crédit en rapport avec leur malheureux père, maître Béjanet, maître Grillard, puis des amis du barreau, de l'hôpital auquel Robert appartenait, des fournisseurs, quelques personnes dont ils ne pouvaient dire le nom, mais des invités aux fêtes données par leur père, des gens qu'ils virent dans les salons de leur mère, des membres de ce fameux tout Paris qui fréquentait chez eux, à peine une dizaine. Et encore, ceux-là paraissaient très ennuyés de se montrer là, et malheureux comme s'ils accomplissaient une corvée des plus désagréables. L'église était bondée d'indifférents, de curieux comme la rue, de gens venus pour le spectacle, pour entendre à bon compte des chanteurs de l'opéra qui, théâtralement, allaient implorer l'Éternel pour le banquier assassiné. Au cimetière, Raoul et Robert virent défiler devant eux tout au plus 100 personnes. Ils ne serrèrent que quelques mains amies. « Pourquoi cela ? » se demandèrent les deux frères. Pourquoi le vide s'est-il fait ainsi autour de notre maison endeuillée ? Raoul, énergique, conclut. Nous avons été souffletés dans notre douleur par cette désertion. Nous devons savoir pourquoi on nous a infligé cet affront épouvantable. Savoir pourquoi tant de gens qui fréquentaient chez nous ont eu honte, c'est le mot, de se montrer aux obsèques du banquier Montreuil. Plus gravement encore, les deux frères refirent leur serment. Dans la soirée du lendemain du jour de l'enterrement, les deux frères quittèrent leur mère, voulant dès maintenant reprendre la vie habituelle. L'un déclara qu'il devait passer au palais, l'autre qu'un malade l'attendait. Robert se dirigea vers Passy, Raoul descendit vers la cité. Ils allèrent donc dans des directions opposées. Vers 7h30, lentement, se promenait à l'angle du boulevard des Capucines et de la place de l'Opéra un élégant gentleman, en grand deuil, se dirigeant vers la rue de la Paix. C'était l'heure où cette rue s'emplit de modistes, de mannequins, de ces gaies et jolies ouvrières qui sont comme les moineaux féminins effrontés et railleurs de Paris. Les midinettes, qui sortent de l'atelier en pépiant, en riant, pour regagner rapidement par bandes les faubourgs. Tandis que les groupes de jeunes filles remontaient vers l'opéra, vers les boulevards, le gentleman les regardait tous, cherchant à reconnaître parmi eux une figure attendue. Tout à coup, il se rencontra avec un autre gentleman, jeune, élégant, aussi en grand deuil, qui, comme lui, semblait également chercher à reconnaître une jeune fille parmi ses gros prieurs de midinette. Les deux gentlemen se croisant s'arrêtèrent stupéfaits, s'écriant « Robert ? Raoul ? Quelle bonne rencontre ! Quelle agréable surprise !» Les deux frères se serrèrent la main cordialement en souriant, mais leur sourire gardait cependant quelque chose de froid, de contraint. Entre eux existait une gêne intraduisible, mais pénible. « Je viens de voir mon malade, » dit Robert. « Je cours chez un autre. » « Moi, je vais chez mon confrère qui m'a remplacé pendant ces jours douloureux. »« De quel côté vas-tu ? » ? « Par les boulevards, vers la rue de Rouault. Moi, vers la Madeleine. » Comme les deux frères allaient se dire au revoir, leur serrement de main se changea en une étreinte forte, anxieuse. « Regarde, » dit Raoul, se rapprochant de son frère. « Je vois, » fit Robert. Vers eux descendait, moustache en croc, monocle à l'œil, nez au vent, un élégant gentleman mis à la toute dernière mode, une fleur rare à la boutonnière. Il s'avançait, souriant, sûr de lui, vainqueur, enveloppant de son regard hardi les groupes de midinettes qui remontaient. Les midinettes, subissant le charme des moustaches conquérantes, du sourire de ce beau garçon chic, malgré elles, se retournaient, le regardaient avec plaisir. Pour ses petites cervelles, ce gentleman représentait le type parfait des héros de romans qu'elles lisaient à l'atelier, le prince charmant des feuilletons, celui dont chacune rêvait, que toutes souhaitaient, qu'elles espéraient, qu'elles attendaient, celui à qui toutes elles se promettaient. Et quand le donjon se fut perdu dans la foule, les deux frères anxieusement se dirent « Lui, le comte de la Guérinière, chez qui va-t-il encore porter malheur ?» À ce moment même, un bon vieillard à tournure de professeur de province, en cheveux blancs sous un chapeau de forme à large bord, portant des lunettes bleutées, enveloppées dans une ample redingote, s'approcha des deux gentlemen, hésitant, un peu gauche. « Mille pardons, messieurs, » dit-il d'une voix timide. « Auriez-vous la bonté extrême de m'indiquer la rue Notre-Dame-des-Victoires ?»« La rue Notre-Dame-des-Victoires ? » firent les deux frères en tressaillant. « Mais, monsieur, c'est très simple. » Au bout de cette rue du 4 septembre, derrière la bourse, ah ! Mille merci, messieurs ! Et d'une voix alors ferme, assurée, le vieux professeur ajouta : En effet, c'est simple d'aller rue Notre-Dame-des-Victoires. Puis, ayant salué, il s'éloigna et prestement se perdit dans la foule. Alors les deux frères, que ce changement de timbre de voix avait surpris, se ressaisirent, ils s'écrièrent : C'est Paulin Broquet ! Oui, dit Raoul. Paulin Broquet qui vient quand le comte de la Guérinière passe devant nous, triomphant, nous rappeler notre mission, notre devoir. « Oh !» déclara Robert, « nous ne l'oublions pas. » Les deux frères demeurèrent un moment silencieux, anxieux. Mais l'avocat dit à Robert, « Paulin Broquet prend cette affaire très à cœur. » « J'en ai également la conviction. » « C'est un détective merveilleux, » d'une grande intelligence, d'une ingéniosité rare et d'un courage qui étonne les plus braves. Il nous est tout dévoué, c'est notre plus précieux auxiliaire. Notre devoir est donc de faciliter sa tâche. Tant que cela nous sera possible. La gravité des paroles de Paulin Broquet ne t'échappe point, n'est-ce pas? Il attend de nous la révélation du terrible document secret, le fait nouveau qui lui permettra d'agir. Oui, Raoul. Bien. Tu es donc, comme moi, décidé à le seconder, et désireux de connaître ce document qui a coûté la vie à notre malheureux père. Oui, Raoul. Il faut seconder Paulin Broquet. Il faut que nous ayons connaissance de ce secret. Il y va maintenant de la mémoire de notre père, de notre honneur, peut-être de notre repos à nous, de la tranquillité de notre mère, de l'avenir de notre sœur Raymonde. Je le crois. Il est de notre devoir de fils de connaître cela à tout prix. Oui, il le faut. Il faut y arriver par n'importe quel moyen, par les plus graves, même par ceux qu'en tout autre cas on regarderait comme criminels. C'est entendu. C'est juré. C'est juré.